Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Nous va compter ensemble de 1 jusqu'à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Nous va dire ensemble les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Nous va dire ensemble les mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.